Cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa l'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. انتهينا في درسنا الأخير. On a fini dans notre dernier درس le chapitre sur الاستواء والعلو والمعية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a cité des versets du Coran par rapport à هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus et كذلك il s'est élevé sur son trône et il est معنى عز وجل أي بعلمه كذلك المعية الخاصة أي خاصة بالمؤمنين أي بنصره وتأييده فإلى سيتي كالك فرسي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى دون سوليف الواسطية أن شابتر خاص بهذه المسألة أي العلو والمعية فلهذا on a pas tous cité on n'a pas détaillé كثيراً dans certaines مسائل لماذا لأن ستأتي معنا بإذن الله عز وجل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا dans ce passage il a cité رحمة الله عليه des versets pour prouver أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام أي الله سبحانه وتعالى إلى الاتخبو دو لا بارول قال رحمه الله وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الشاهد قال et dans le premier حديثا et dans le deuxième verset قيلا قال رحمه الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الشاهد كلمة ربك وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الشاهد de ces versets c'est النداء وناداهما قال وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Donc tous ces versets, ils montrent clairement أن الله عز وجل يتكلم ويقول وينادي من يشاء سبحانه. Et كذلك أن القرآن من كلام الله سبحانه. فهنا deux choses هنا à comprendre. أن الله عز وجل له صفة الكلام c'est une صفة ذاتية فعلية الله سبحانه وتعالى il a toujours eu cet attribut c'est une صفة ذاتية et الله سبحانه وتعالى il parle à qui il veut quand il veut فمن هذه الناحية c'est une صفة فعلية c'est pour ça que هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه il a cité des versets أن الله سبحانه وتعالى il a parlé à موسى كذلك il parlera à Isa. كذلك il a parlé à notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Il a parlé à Adam. Donc il parle quand il veut, avec qui il veut, comme il veut. Subhana. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, أن القرآن الكريم سمين كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن سي لا باغول دالله سبحانه. تقدم معنا في الاقتصاد في الاعتقاد الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه أنه إلى سيتي أن شابيتر سوغ الكلام أي لاتخيبي دو لا باغول إلى سيتي كلكو فيغسي رحمة الله عليه ثم إلى سيتي أن شابيتر جوست أبخي سوغ القرآن أن القرآن سي كلام الله أي القرآن في باغتي دي باغول دالله سبحانه وتعالى. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى قوله تعالى ومن أصدق من الله أي لا أحد أصدق منه سبحانه فهو استفهام إنكاري أي بخسن أصدق من الله أصدق سمين دمو صدق أي لا فيغيتي فالله سبحانه وتعالى سي الحق من أسمائه عز وجل الحق أي الحق سي لا فيغيتي كلامه حق Toutes ses paroles, c'est la vérité. Subhana. Et hukmuhu, c'est le haq. Et il a envoyé ses messagers bil haq. Et il a révélé les livres bil haq. Subhana. Il a créé l'être humain bil haq. Enfin, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait et il dit, enfin, c'est haq. Qala, hadithan, ay fi hadithihi wa khabarihi wa amrihi wa wa'dihi wa wa'idihi. وقوله ومن أصدق من الله قيل القيل مصدر قال كالقول قوله ومن أصدق من الله قيل سكم لمو قول فالمعنى ومن أصدق من الله قولا أي لا parole d'Allah سبحانه وتعالى c'est la plus véridique أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل والشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه ففيهما إثبات الكلام له سبحانه لأن الحديث من الكلام الحديث يترجم par en français par par discussion ou parler ou autre والقيل c'est le قول c'est la parole donc الحديث والقول c'est ثابت لله سبحانه وتعالى c'est من الكلام donc الله سبحانه وتعالى parle à qui il veut سبحانه وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أي أذكر وإذ قال الله جمهور المفسرين ذهب إلى أن هذا القول منه سبحانه يكون يوم القيامة La plupart de ceux qui ont expliqué le Coran الكريم قالوا أن هذا القول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أي lorsque الله سبحانه وتعالى يدira عيسى بن مريم la plupart des mufassirun قالوا هذا ça sera يوم القيامة ça sera le jour du jugement قال وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى وهي كالآيتين السابقتين فيها إثبات القول لله تعالى وأنه يقول إذا شاء فعلى القول أي selon l'avis que ce verset Ça sera يوم القيامة et Allah subhanahu wa ta'ala il dira هذا يوم القيامة عيسى يوم القيامة هذا فيه أن Allah subhanahu wa ta'ala il parle quand il veut il a déjà parlé et il parlera et il parle quand il veut subhanahu لماذا on fait cette précision لأن بعض أهل البدع والضلال من الشاعر وغيرهم يقولون أن الكلام c'est pas une صفة فعلية. Pour eux c'est une صفة ذاتية فقط. Et pour eux c'est pas un كلام avec des sons, des lettres. لا. Pour eux c'est عبارة عن كلام نفسي. C'est pas une parole qu'on peut entendre. Un être humain il peut entendre etc. لا. هذا سنرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى parlera à عيسى ابن مريم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. قال وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا المراد بالكلمة كلامه سبحانه إذا الشاهد وتمت كلمة ربك أي كلام ربك الكلمة هنا بمعنى الكلام أي c'est un dalil clair أن الله سبحانه وتعالى il a l'attribut de la parole قال صدقا أي في أخباره سبحانه وعدلا أي في أحكامه قال منصوبا على التمييز وفي الآية إثبات الكلام لله تعالى. Donc ce verset كذلك c'est une preuve أن الله سبحانه وتعالى يتكلم أي البعض. وقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه أي أسمعه كلامه. دونك هنا لا كرويونس دو أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، اي celui qui entend ce كلام il a entendu كلام الله. Pas comme ils disent أهل البدع والضلال أن الله سبحانه وتعالى il a créé une chose qui a parlé et Moussa il a entendu cette créature. وهذا c'est من التحريف، لأن الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما. كلم c'est الشاهد، et c'est ça la partie qui montre que Allah سبحانه وتعالى يتكلم. Et ça a été renforcé par un tawkid قوله تكليما، ça nous montre que c'est une vraie parole. Et là, c'est que Moussa, il a entendu et il a compris. هذا الكلام c'est بصوت وحرف بأصوات وحروف. Et كلامه سبحانه ليس كمثله شيء. Allah, il ne ressemble pas à la créature. Et sa parole, elle ne ressemble pas à la parole des créatures. لكن est-ce qu'il parle ? نعم. On a des adilla. Et c'est un vrai كلام. كلام حقيقي. قال ولهذا يقال يقال له الكليم أي موسى. C'est pour ça que من ألقابه parmi ses surnoms عليه الصلاة والسلام كليم الله أي celui à qui الله عز وجل a parlé directement sans intermédiaire. قال وتكليما مصدر مؤكد لدفع كون التكليم مجازا. ففي الآية إثبات الكلام لله وأنه كلم موسى عليه السلام. وهذا الأسلوب المعروف en langue arabe. Et on l'a étudié, wallahi alhamd, ma'a ba'd ikhwanina dans al-Ajrumiyya bab al-tawkid. Fata'ammal qawlahu wa kallama Allah Musa taklima. Ay pour enlever al-wahm. Et hatta al-ba'd il ne pense pas que hadha al-kalam udhifa ila Allah et fil haqiqa c'est un makhluq qui a parlé ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala akkad al-fi'l avec un tawkid wa kallama Allah Musa تكليما. شيخ العثيمين dans son شرح il a donné un مثال جميل وسهل. Il a donné un exemple très simple. En langue arabe, si tu dis جاء زيد, tu informes أن زيد il est venu. Et واحد il peut comprendre جاء زيد أي خبر زيد, l'information de زيد, ou la chose que زيد il a envoyé, ou un messager de زيد, مهم, quelque chose de زيد. Ça arrive en langue arabe. Tu dis « Ja'a Zaydun » et tu veux une chose qui vient de la part de Zayd. Lakin, si tu dis « Ja'a Zaydun nafsu » Nafsu, c'est un tawkid. Est-ce que tu peux comprendre « Ja'a Zaydun nafsu » Aïe, Zayd, il est venu lui-même. Est-ce que quand tu dis « lui-même » en arabe « nafsu », tu peux comprendre que c'est autre que Zayd qui est venu? Aïe, Zayd lui-même, il n'est pas venu là. فهنا c'est la même chose. وكلم الله موسى تكليما. Ça nous montre أن قوله تكليما c'est un توكيد للكلام. Ça nous montre que Allah سبحانه وتعالى il a vraiment parlé à Moussa et Moussa il a entendu هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. وقوله عز وجل منهم من كلم الله أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام. من كلم الله أي أسمعه كلامه بلا واسطة أي sans intermédiaire. بعض الأنبياء الله سبحانه وتعالى il leur a parlé directement. قال يعني موسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام. موسى on a plusieurs أدلة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى il a parlé à موسى et كذلك notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام. قصة الإسراء والمعراج أن الله سبحانه وتعالى lui a parlé directement. Et parmi les choses qu'il lui a dit سبحانه أي أبو خفت عليه الصلاة والسلام فرض عليه الصلوات الخمس il lui a rendu obligatoire les 5 صلوات. قال وكذا آدم كما ورد به الحديث في صحيح ابن حبان. ففي الآية إثبات الكلام لله تعالى وأنه كلم بعض الرسل. Et كذلك on a des أدلة أن الله سبحانه وتعالى il parlera aux êtres humains يوم القيامة ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. الله il parlera à chacun d'entre nous. وكذلك لفيرسي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم بعض العلماء يدسى صغير من القيامة. على كل حال toutes ces أدلة toutes ces preuves du Coran et Inch'Allah ta'ala, on étudiera des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam fi hada. Ça montre clairement que Allah azza wa jalla yatakallam. Lakin limadha ba'd ahl al-bid'a wal inhiraf rejettent هذه الصفة العظيمة. Pourquoi بعضهم يرجت cet attribut? دائما la même chose. Il compare Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. قالوا, si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam, avec des sons et des lettres, et on peut entendre son kalam, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala il ressemble à la créature. Pourquoi? لماذا? قالوا لأن الحروف والأصوات, t'es obligé de d'avoir une langue, une bouche, halq, une gorge pour que le son il sort, etc. Ils ont fait ressembler Allah à la créature. Wahada c'est batil. Hada c'est faux. Et on détaillera pas huna, liana, inshaAllah ta'ala, ça viendra ma'ana. Lakin, on peut citer un exemple. Anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, akhbara kama ja'a fil hadith as-sahih, annahu quand il était à Mecca, une pierre, elle lui passait le salam. Quand il passait devant cette pierre, elle lui passait le salam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il entendait la preuve. Il nous a rapporté al-hadith alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et comment passe le salam? On dit assalamu alaykum. Et assalamu alaykum, c'est un son avec des lettres que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu. Est-ce que cette pierre, elle avait une bouche, elle avait des dents, elle avait une langue, elle avait une gorge, il a akhri? Là, c'est une pierre. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et on le croit en tant que croyant, en tant que musulman. Donc pourquoi faire cette comparaison? Ba'd al-makhluqat, certaines créatures, elles ont parlé, elles parleront et elles n'ont pas de bouche, pas de langue. Yawm al-qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera parler les membres de certains. Leur peau, leurs mains, leurs jambes, elles témoigneront contre eux. Yawm al-tuhaddithu akhbaraha ay al-ard kama fi surat al-zalzala. Al-Ard, elle parlera, la terre, elle parlera. Est-ce que la terre, elle a une bouche, une langue, il a akhir? Hada, c'est un kalam batil. Vous avez remarqué que hum, ils font une fixation sur hada, non, ils font la comparaison. Pour moi, ils font ressembler. Et à la fin, ils m'aillent rejettent, ils m'aillent déforme. Et tous ces hadiths-là qu'on vient de citer, inshallah ta'ala, on les étudiera en détail quand Cheikhoul Islam, rahmatullah alayhi, il détaillera hadihi al-mas'ala. Aïe, dans ce livre. Qala wa qawluhu ta'ala. ولما جاء موسى لميقاتنا أي حصل مجيئه في الوقت أي موسى الذي وعده الله فيه وكلمه ربه وهذه الآية important لماذا لأن بعض أهل البدع من معتزلة وغيرهم من المعطلة ils ont déformé قوله وكلم الله موسى تكليما ils ont déformé le verset précédent. L'afdul jalala, ils n'ont pas prononcé Allahu. L'afdul jalala, c'est le fa'il. Celui qui a parlé, c'est Allah. Amma si tu lis wa kallam Allah Moussa taklima, vous avez remarqué que Moussa, à la fin, il y a alif matouya, il n'accepte pas de haraka. Le haraka n'apparaît pas sur Moussa. Que tu dises Moussa marfou' ou mansoub ou majrour, ça se prononce pareil. Moussa, Moussa, Moussa. Ceux qui ont fait du nahou, ya'lamoun hada. Ceux qui n'ont pas fait de nahou sahl, ils comprendront hala quand ils étudieront cette matière importante. Ala kulli hal, ba'dhum, ils ont déformé, ils ont dit wa kallama Allah Moussa taklima. Et c'est Moussa qui a parlé à Allah. Alors que la lecture authentique et l'unanimité des salaf, ils disaient wa kallama Allah Moussa taklima. Et Allah il a parlé à Moussa. Ce deuxième verset, قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هنا ils peuvent pas faire, ce tahrif. وكلمه ربه. Ça c'est clair. أن celui qui a parlé à Moussa, c'est Rabb سبحانه وتعالى. قال أي أسمعه كلامه من غير واسطة. فالآيات فيها إثبات الكلام لله وأنه يتكلم متى شاء سبحانه وأنه كلم موسى عليه السلام بلا واسطة. فالله سبحانه وتعالى il a parlé à Moussa directement sans intermédiaire et Moussa il a entendu le kalam et ça nous montre أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام. أي الله سبحانه وتعالى إلى لاتخيبي دو لا بارول. وقوله تعالى وناديناه، أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام، والنداء هو الصوت المرتفع. ثم إلى سيتي كلك فيرسيس سور النداء. قوله وناديناه، النداء قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى هو الصوت المرتفع، سي لو فات دابلي كلكان ا فوا اوت. Donc c'est un kalam, c'est une parole, lakin elle est à voix haute. فقال عز وجل وناديناه من جانب الطور. Donc هذا c'est من صفة الكلام. Et ça nous montre que هذا الكلام il était بالصوت. لأن النداء ça peut pas être sans son. النداء ça peut pas être sans son. Donc ça nous montre que كلام الله عز وجل c'est un كلام بالصوت. Et c'est ça la croyance de أهل السنة والجماعة. قال وفي الآية الكريمة On passe directement au shahid. إثبات الكلام لله تعالى وأنه ينادي ويناجي وهما نوعان من الكلام، فالمنادى بصوت مرتفع والمناجاة بصوت غير مرتفع. نعم، قوله وقربناه نجيا أي مناجيا. Donc نثبت ces deux points. المنادى c'est à voix haute والمناجاة c'est à voix basse. وقوله وإذ نادى ربك موسى، c'est la même chose que le verset précédent. النداء c'est à voix haute et Allah سبحانه وتعالى نادى موسى عليه السلام، et il lui a parlé. وقوله، on passe directement au verset، لأن c'est la même chose، الاستدلال c'est le même. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي Adam ou Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a interdit de manger de cet arbre, fil Jannah. Wa nadahuma. An-nida, c'est al-kalam. On a dit bisawt murtafi'. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Adam et à Hawa. Qa'ilan lahuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara. Ay an al-akl minha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit de ne pas manger de cet arbre. وقوله, le verset suivant, ويوم يناديهم, c'est la même chose. أي المراد هنا c'est المشركون. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك يا محمد, أي طلب جوارك وحمايتك وأمانك, فأجره, أي كله جارا ومؤمنا. وإن أحد من المشركين استجارك, أي si un مشرك, الله سبحانه وتعالى il a dit au prophète عليه الصلاة والسلام, si un مشرك il te demande d'être son voisin et il te demande الحماية, de le protéger, etc., فأجره, فأكرد lui, أي كله جارا حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. وهذا دليل واضح أن القرآن ça fait partie de كلام الله سبحانه وتعالى. Après avoir cité des versets, أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلم موسى وكلم آدم وحواء etc. الإمام ابن تيمية a cité ce verset رحمة الله عليه pour montrer أن القرآن c'est كلام الله. هذا القرآن qu'on récite, qu'on apprend, qu'on lit, ça fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalil ce verset. Wa in ahadun min al-mushrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ce voisin qui était à l'époque du prophète alayhi salatu salam et qui vivait à côté du prophète alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il entendait? Il entendait le Coran. Aïe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il récitait, ou les compagnons radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé هذا القرآن كلام. قال حتى يسمع كلام الله. فهذا سي ان دليل واضح ان القران سي كلام الله سبحانه. قال ان فيها اثبات الكلام لله تعالى وان الذي يتلى هو كلام الله. اي سكي ريسيتي سي لا بارول الله سبحانه وتعالى اي القران. وقوله وقد كان فريق منهم اي اليهود, والفريق اسم أو اسم جمع لا واحد له من لفظه, يسمعون كلام الله أي التوراة. Ça, c'est important que Cheikhoul Islam il a cité ce verset Huna, rahmatullah alayh. Ne pas croire que la parole d'Allah c'est que le Coran là. Le Coran c'est la parole d'Allah. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé à Adam, à Hawa, à Moussa, il a parlé au prophète Mohammed alayhi salatu salam, etc. Et kadhalik at-Tawra, c'est min kalamillah, azza wa jal. Tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélés, c'est min kalam. Allah subhanahu wa ta'ala takallama. Et Jibril, il a entendu Jibril et il a rapporté al-kalam au prophète alayhi salatu salam. Fal-kalam c'est kalamullah subhanahu. Thumma, le fait que Jibril il l'a rapporté au prophète alayhi salatu salam, le fait que le prophète alayhi salatu salam il l'a récité, le fait que nous aujourd'hui on l'apprenne, on le récite, on l'écrit dans des livres, etc. Ça reste kalamullah. Lakin, nous, on rapporte la parole d'Allah Azzawajal. Enfin, on n'a pas le droit de dire que ce n'est pas la parole d'Allah. Subhanahu. Et ta'lamoun anna fitnatun azima hasalat fi zaman al-imam Ahmed rahmatullah alayhi. Par rapport à ce point, vu que al-Amir, à l'époque al-Ma'moun, ta'athara bi al-Mu'tazila, bi al-Mu'attila, et ils lui ont fait croire anna al-Qur'an, ce n'est pas la parole d'Allah et c'est une créature, etc. Et ce gouverneur à l'époque, il a décidé d'imposer hadith al-aqid à tout le monde. Et il a emprisonné les savants qui montraient que le Coran c'était kalamullah. Et l'imam Ahmed Sabr, il a patienté, il a montré aqidat ahl sunnah. Walillahi alhamd. Qala, ash-shahidu min al-ayat al-karima. Aïe. Qawluhu, wa qad kana fariqun minhum. أن فيها إثبات الكلام لله تعالى وأن التوراة من كلامه تعالى. هنا شيخ البوزان إلى في البريسيزيون. التوراة من كلام الله. القرآن من كلام الله. الإنجيل من كلام الله. Bien sûr, التوراة والإنجيل qui n'ont pas été falsifiés. أما la Bible qui est présente aujourd'hui, le Nouveau Testament, إلى آخره. La Torah كذلك. Tout ça, ça a été déformé. Ça a été déformé, enfin, on n'a pas le droit de lire ces livres, on n'a pas le droit de les acheter, on n'a pas le droit de les vendre, on n'a pas le droit de les propager, etc. Amma at-Tawra qui est descendue sur Moussa, ou l'Injil qui a été révélé à Isa, alayhim as-salatu wassalam, on n'a aucun doute que ça fait partie de la parole d'Allah subhanahu. Qala wa anna al-Yahoud harrafouha wa ghayyaru fiha wa baddalou. Vu que ça a été déformé, falsifié, on n'a pas le droit de lire ce genre de livre. On précise bien quand on dit At-Tawra wal-Injil, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah azzawajal il a révélé à Moussa et à Isa. Mais ce qui a été falsifié, ça a été falsifié par les hommes, par les juifs et par les chrétiens. Akhzahumullah. Wa qawluhu ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نعم الشاهد كلام الله. Ils veulent déformer la parole d'Allah عز وجل. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الكلام لله وإثبات القول له وأن الله سبحانه يتكلم ويقول متى شاء إذا شاء. C'est pour ça que à chaque fois qu'on cite un verset du Coran, on dit قال الله et يقول الله عز وجل. Ça nous montre on croit, et c'est pour ça qu'on l'affirme, que Allah subhanahu wa ta'ala قال. Et Allah il a dit. Et le fait de dire, c'est une parole. Tu dis une parole. فالله سبحانه وتعالى يقول وقال وسيقول يوم القيامة سيتكلم مع بعض الناس بل مع جميع الناس. Donc on n'a pas le droit de rejeter cet attribut azim qui est cité dans beaucoup de versets. Andoro, Cheikh l'Islam, il a cité quelques versets, kadhalik des hadiths du prophète sallam. Rejeter tout cela, limadha l'insan, il pense que ça fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu cet attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu sifat al-kalam, alors que l'être humain, il n'existait pas. Ben, limadha faire cette comparaison? Et limadha ar-rasoul sallam, il nous a pas montrer, d'après Haoula. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas fait cette remarque que Haoula ils font, que ce n'est pas un kalam haqiqi, c'est un kalam nafsi, yaqouloun. Ah ben ça contredit la raison. Qu'est-ce qu'un kalam nafsi? Eux ils disent que c'est une parole nafsi, qui n'a pas de son, qui n'a pas de lettre. Il a akhri. Enfin, c'est pas du kalam. Imma c'est un kalam, imma c'est pas un kalam. Lakin, vu que le qawm, zaro, anharavo, et ils se contredisent, ils n'ont pas voulu rejeter directement et totalement l'imad, les versets sont clairs, et ils n'ont pas voulu accepter comme ils ont accepté les salafs, l'imad, leur cœur, il est malade, iyadam billah. Ils ont le cœur malade, ces gens. C'est pour ça qu'ils pensent que si tu acceptes l'attribut, tu fais ressembler Allah à la créature. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Wal-ajib anna ha'ula'i ils acceptent certains sifat. Ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala la yatakallam, ils acceptent que Allah subhanahu wa ta'ala il a une vie, qu'Allah il existe, qu'Allah il a du ilm, ils acceptent ça. Falimadha? Ils acceptent pas cette sifat. Pourquoi cette différence? Lianna même l'attribut de la vie. Wahad, il peut leur dire, mais l'être humain kadhalik, il a une vie. Si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le vivant, il a une vie, tu vas le faire ressembler à la créature. Eux, ils vont dire, là, c'est une vie parfaite, il a akhiré. Enfin, nous, on leur répond la même chose. La parole, c'est une parole parfaite. Pourquoi tu veux faire ressembler? Tu as accepté cette règle avec certains attributs. Pourquoi se contredire? C'est pour ça que Ashadun Nas, Tanaqudan, c'est Al-Ash'ari Al-Muharrifa. Khasatan fi hadha al-bab al-'azim. Et la gravité, Annahum, ils se contredisent dans ce chapitre, ce domaine, aïe. Les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatakallamuna ala Allah bi ghayri ilm. Ils parlent sur Allah subhanahu wa ta'ala sans ilm. Ils se contredisent. Ils acceptent certaines choses. Ils rejettent d'autres. Tout ça, les madha. Les annahum, ils suivent leur passion. Ayyadan billah. Wa illa, s'ils suivraient les textes, ils auraient accepté les textes. Même si la raison, elle n'arrive pas à comprendre. Tu te soumets au texte. Okay, la raison, c'est clair qu'elle accepte hada. La raison, walillahi alhamd, qui n'a pas été déformée, souillée par les passions, elle accepte cette croyance. Qala ash-shahid min al-aya ay yuriduna an yubaddilu kalam Allah anna fiha ithbat al-kalam lillah wa ithbat al-qawl lahu wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam wa yaqul mata sha'a idha sha'a wa annahu la yajuz tabdilu kalamihi subhanahu bal yajib al-amal bihi wa ittiba'uhu. Ça nous montre Al-Qur'an, on doit le azzam, c'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit faire attention de ne pas le déformer. Que ce soit déformer le texte ou le sens. Amma le texte, fa, alhamdulillah, al-muslimoun, et ne déforme pas le texte. Amma le sens, fa, ba'dhuhum yuharrif al-ma'ani. Et on vient de citer un exemple avec l'Ash'a'ira, avec al-muharrifa. Annahum, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de visage, il n'a pas de main. La yatakallam ila akhiri. Alors que c'est cité dans le Coran. Thumma ils disent là, ça c'est des versets, des ayats mutashabihat. Et il faut revenir au muhkam. Et tout ça c'est du kadib. Ayat al-sifat, c'est des ayats muhkamat. C'est pas min al-mutashabih. Les versets sont clairs si tu reviens au salaf. Lakin, est-ce que si tu acceptes le verset, ça veut dire que tu vas faire ressembler Allah à la créature? Abadan. La yaqul hadha illa. إما جاهل ما منحرف والله المستعان وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته الشاهد قوله لا مبدل لكلماته أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل même si certains essayent à آخر الحمد لله الحق il restera. والشاهد من الآية إثبات الكلمات لله تعالى هذا سكلير وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الشاهد من هذه الآية قال الشيخ الفوزان أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى لما تضمنه من الإحاطة بالكتب السابقة والحكم في الخلاف بين طوائف أهل الكتاب بالقسط وهذا لا يكون إلا من عند الله. Et la preuve que c'est kalamullah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, il a informé des choses que personne ne savait. Il a révélé des choses au prophète alayhi salatu salam qui se sont passées et qui se passeront dans ce Coran que personne ne savait. Ça montre que le Coran, c'est kalamullah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a descendu. Le fait de prétendre qu'il est makhluk, c'est très très grave. Makhluk, c'est qu'il est créé. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف أي tous ces versets que l'imam Ibn Taymiyyah رحمه الله il a cité C'est quoi le but? قال إثبات الكلام لله. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام. Donc la croyance de أهل السنة, la croyance des salaf, on accepte ces versets. Et كذلك on accepte les hadiths que l'imam Al-Taymi, rahmatullah alayhi, il a cité dans cette risale. قال وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. والكلام c'est une صفة ذاتية. Pourquoi? Parce que Allah il a toujours eu cet attribut. Et كذلك c'est une صفة فعلية. أي الله سبحانه وتعالى il parle à qui il veut quand il veut. Et تقدم معنا أن الله عز وجل il a parlé à notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, il a parlé à Moussa, il a parlé à Adam. Et كذلك, il parlera à Isa, il parlera à qui il veut, subhanahu. Donc ça montre bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu cet attribut et il parle quand il veut, subhanahu. Donc c'est une sifa dhatiya fi'liya comme on a détaillé wallahi alhamd dans al-qawa'id al-mutla. قال فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما. Et il a toujours eu cet attribut de la parole et il l'aura toujours. Et il parle quand il veut, subhanahu. قال لأنه لم يزل ولا يزال كاملا والكلام من صفات الكمال. نعم. Ça nous montre que quand on dit أن الله سبحانه وتعالى il a une صفة فعلية, أي مثلا الكلام, ça ne veut pas dire qu'il ne l'avait pas avant. Les attributs d'Allah, c'est des attributs parfaits. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a toujours été parfait. Donc, il a toujours eu ses attributs. Donc, ne pas croire que certains attributs, il ne les avait pas. Thumma, il les a eu. Là, ne pas confondre entre al-wasf et al-fi'l. Allah, il a toujours eu l'attribut. Lakin al-fi'l, l'action, le fait de faire, مثلاً, de parler. Enfin, Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut. C'est pour ça que min hadhihi al-jiha, min hadhihi al-nahiya, c'est une sifa fi'liya. أما الوصف إلا تجوف صفة ذاتية. قال ولأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر مذهب المخالفين في هذه المسألة مع الرد عليه إن شاء الله. نعم. Dans ce cours, on ne détaillera pas ceux qui ont contredit la voix des salafs dans cet attribut, la parole, ay al-jahmiya, wal mu'tazila, wal ash'a'ira. Et bi tawfiq Allah azza wa jalla, on détaillera aqwal ha'ula al-mu'attila, ceux qui ont dévié dans ce bab, dans un chapitre à venir, inshallah ta'ala. C'est comme al-ulu wal-ma'iyya. Al-imam al-Taymiyyah, rahimahullah, après avoir cité des versets du Coran, après avoir cité des ahadith, qu'on étudiera bientôt ensemble, inshallah. Il a cité des abwa muhimma sur le kalam, sur al-ulu et d'autres masail. Ba'da dhalik, l'imam al-Taymiyyah, rahimahullah, il a cité des versets pour montrer anna hadha al-Qur'an munazzal min indillah azza wa jal. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait descendre, qui a révélé ce Coran au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. قال وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الشاهد كتاب أي القرآن أنزلناه أي الله كي الله révélé. قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. الشاهد قل نزله روح القدس من ربك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لما أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله. Donc après avoir montré que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la parole, وأن القرآن ça fait partie de كلام الله سبحانه وتعالى, il a cité des versets pour montrer أن هذا القرآن منزل, il a été révélé, descendu من الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهذا أي قوله هذا كتاب الإشارة إلى القرآن الكريم. نعم وهذا كتاب أنزلناه أي سبيان القرآن الكريم. قال مبتدأ خبره كتاب, هذا سمبتدأ كتاب سالخبر. C'est pour ça qu'on dit كتاب il est مرفوع. قال وأنزلناه مبارك صفتان لكتاب. نعم deux caractéristiques ce livre Allah سبحانه وتعالى les a cités هنا. أنزلناه أي il est منزل, الله سبحانه وتعالى c'est lui qui l'a descendu, et il est مبارك أي فيه بركة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقدم صفة الإنزال لأن الكفار ينكرونها, أي ils ont prétendu que النبي صلى الله عليه وسلم c'est lui qui a inventé أو il a pris ses paroles et le Coran d'un autre homme عيادا بالله. فلهذا قال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه, أي c'est bien Allah سبحانه وتعالى qui l'a révélé au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. قال والمبارك كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية. نعم فهذا الكتاب فيه بركة. Celui qui veut la guider, celui qui veut الشفاء, la guérison, que ce soit de son corps ou de son corps, celui qui veut le bien, celui qui veut être préservé, qui veut être sauvé, qu'il donne de l'importance à هذا الكتاب. هذا الكتاب il est مبارك. On vit à une époque où كثير من الناس ils cherchent le خير, que ce soit pour eux, que ce soit pour leurs enfants, que ce soit pour leur bien-être, que ce soit pour leur corps, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. كثير من الناس ils font beaucoup d'efforts في هذا. نحن المسلمون هنا هذا الكتاب المبارك فيه الخير كله. Donc on doit lui donner de l'importance. Et l'importance qu'on peut lui donner, c'est pas en l'accrochant sur un mur. هذا لا يفيد. بل ça fait partie de l'bid'a. Comme قال أهل العلم les salaf, ils accrochaient pas le Coran sur le mur. هذا القرآن الله سبحانه وتعالى il l'a révélé للتدبر والتأمل والعمل به. نعم. أفلا يتدبرون القرآن. فهذا القرآن pour en profiter, أولاً, il faut faire des efforts dans la langue arabe. Il y en a les traductions des sens, ça ne suffit pas. Et la traduction, c'est pas le Coran. Là, c'est عبارة عن تفسير, c'est comme un commentaire du sens avec plusieurs langues. أما هذا القرآن البركة في الألفاظ et elle في المعاني. C'est pour ça que celui qui lit le Coran pour un verset ou plutôt pour une lettre, كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه, il a dit حسنا بركة. Ça c'est fait l'homme. Et al-ma'ani va. Kutub al-a'imma kutub al-tafasir, c'est des océans fil ilm. Que ce soit fil aqida, que ce soit fil fiqh, que ce soit fil al-lugha. Dans chaque domaine, walillahi alhamd. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts pour le lire, pour le mémoriser, kadhalik pour le mettre en application. Si on le mémorise, et kadhalik si on le lit, et on doit le lire avec avec réflexion et méditation, c'est pour mettre en application. Amma lire, thumma le contredire. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Ça devient une preuve contre l'insan. Fa li hadha an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé parmi les premiers qui rentreront fi an-nar yawm al-qiyamah rajulun qui récitait le Coran, qui récitait beaucoup le Coran, lakin il récitait pour se montrer, pas pour appliquer. ليقال قاري وقد قيل. Et les gens ils disaient vraiment cela. Peut-être qu'il avait une belle voix, il a un rêve, un nas. Ils étaient impressionnés. Et où c'était devenu son but? Cet homme il rentrera au feu. Comme أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Notre but c'est pas que la voix. كذلك ce hadith il montre que l'essentiel c'est pas la voix. واحد il peut avoir une très très belle voix et c'est من أشر الناس. Et يوم القيامة le Coran, ça sera une preuve contre lui. Là, la voix, c'est min Allah. T'as une belle voix, alhamdulillah. Celui qui a une moins belle voix, l'amr sal. L'essentiel, c'est la compréhension. Et là, je sais qu'on a la belle voix à l'aide. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam shara'a lana at-tilawa. At-tilawa de psalmodier le Coran avec une belle voix إلى آخره، هذا سي معروف. لكن سي با سا ليسونسييل، ليسونسييل سي دو فير دي ايفور بور كومبروند لو سونس اي ميتر اون ابليكاسيون. قال حفظه الله: وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا إخبار عن عظمة القرآن وأنه حقيق بأن نخشع له القلوب، بأن تخشع له القلوب. فإنه لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوة والشدة الصلابة، سي سو قرآن إلا هو تغيفيلي سور اون مونتان، وكما قال شيخ الفوزان أن الجبل لا مونتان سي غاية في القسوة والشدة والصلابة، dans la dureté. Une montagne pour la mettre en poussière, il faut vraiment une قوة عظيمة. هذا القرآن s'il aurait été révélé sur une montagne, il l'aurait mis en poussière, il l'aurait rendu en poussière. قال: نعم، لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله. أي si ce قرآن أو si cette montagne elle pourrait comprendre le قرآن. Les montagnes, c'est min al-jamadat, c'est pas des êtres vivants. Ma'a salabatiha wa 'azamatiha, malgré l'immensité d'une montagne et sa dureté, etc., elle serait devenue poussière. Qala wa tasad'a min khawfillah hadaran min 'iqabihi, fa kayfa yaliqu bikum ayyuha al-bashar an la talina qulubukum wa takhsha' wa qad fahimtum 'anillah amrahu wa tadabbartum kitabah. Donc هذا c'est un rappel طيب pour l'être humain. أن comment délaisser هذا القرآن et comment كذلك ne pas faire des efforts pour comprendre هذا القرآن et كذلك si on lit le Coran et ça ne fait rien à notre cœur, on doit se remettre en question. Imma c'est des faiblesses dans la compréhension, on doit faire des efforts. On doit faire des efforts. لأن بعضهم ربما ça fait des années lisent le Coran et ils n'arrivent pas encore à comprendre. Et parmi les choses qui vont aider Akhil Karim, c'est de ne pas revenir systématiquement aux traductions. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite à Jami' Ikhwanina, à l'ensemble de nos frères, quand tu pourras le lire en arabe, et tu pourras comprendre et revenir au livre des savants, des imams du tafsir, quel imam Ibn Jarir, ou l'imam Ibn Kathir, ou l'imam Al-Shawkani, ou l'imam الشنقيتي أو الشيخ سعدي رحمة الله عليه، هؤلاء الأئمة dans le tafsir, tu verras que c'est pas la même chose. Ça a rien à voir, c'est incomparable avec une traduction. La traduction c'est pas le Coran, la traduction c'est le sens qui est commenté. Enfin, ça sera jamais la même chose. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts. T'essayes de te fixer des objectifs. Tu commences par les lettres de l'alphabet. Si tu comprends les lettres de l'alphabet, ou si tu connais plutôt les lettres de l'alphabet, tu fais des efforts dans le vocabulaire. Donc, quand tu as du vocabulaire, tu prends des cours. Quand tu as pris des cours, tu te concentres كذلك sur le sorf et sur la grammaire, an-nahw. Et هكذا tu te forces à écouter des cours en langue arabe. Tu fais des efforts pour lire des livres simples en langue arabe. Tu fais des efforts pour lire le Coran en langue arabe. Tu fais des efforts pour lire beaucoup le Coran. Et tu demandes quand tu ignores les mots. هكذا pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et bien, إذن الله عز وجل, on progressera. Et c'est pour ça que ensemble, wallahi alhamd, dans nos durous, on a l'habitude d'étudier, d'enseigner avec les deux langues. Que pour que ça soit bénéfique pour nos frères, on essaie de progresser ensemble. Bi-idhnillah. Qala wa qawluhu ta'ala qul nazzalahu ay al-Qur'an ruhu al-Qudus ay Jibril huwa al-Qudus at-Tuhr wal ma'na nazzalahu ar-ruh al-Mutahhar. فهو من إضافة الموصوف إلى صفته من ربك أي ابتداء تنزيله من عند الله سبحانه. Donc ça nous montre que celui qui l'a fait descendre c'est Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de Jibril. Donc Jibril il a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala le Coran, ثم Jibril il l'a révélé au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Enfin, ce qui a été révélé au prophète عليه الصلاة والسلام c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأن celui qui l'a fait descendre et celui qui a parlé, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas la parole de Jibril. C'est pas la parole de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Bel c'est kalamullah. Amma Jibril, il a rapporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il nous a rapporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر أي ils ont prétendu أن le prophète عليه الصلاة والسلام c'est un homme qui lui enseigne ce livre. ثم النبي صلى الله عليه وسلم quand il propageait le Coran pour eux il propageait la parole d'un homme. Et ils ont renié, ils ont rejeté que ça soit la parole d'Allah سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قال شيخ الفوزان فرد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي ils ont prétendu أن النبي صلى الله عليه وسلم prenait كما قال شيخ الفوزان كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية إلى آخره أي ils ont prétendu que le prophète صلى الله عليه وسلم prenait de cet homme qui connaissait la Torah, l'Évangile, etc. فلهذا قال عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي قال أي لسان الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك يا محمد أعجمي أي غير عربي أي هم ils ont prétendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il apprenait chez cet homme et cet homme il faisait partie de l'A'ajim فكيف هذا الأعجمي il va enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce texte en langue arabe الفصيح العظيم قال فهو لا يتكلم العربية وهذا لسان عربي مبين أي وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من العجم خاصة أن قريش maîtrisait la langue arabe et ils savaient que c'est un kalam azim, c'est un kalam fasih. بل بعضهم ils se sont convertis quand ils ont entendu le Coran tellement qu'il était fasih, tellement qu'il était clair, éloquent. Et bien sûr, ceux qui comprennent, ça leur touche le cœur. Et ce qu'Allah y guide, bien sûr. Allez, hada. Wa'adhum, ils sont rentrés vers l'islam, wa lillahi l'hamd. قال وقد عجزتم أنتم عن معارضته أو معارضة صورة أو صور منه وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة. نعم, مع أنهم c'était eux qui maîtrisaient la langue arabe. Et بعضهم c'était des poètes, بعضهم c'était des écrivains, بعضهم ils n'ont pas réussi à citer des versets comme les versets du Coran. أبداً. Pourquoi? لأن القرآن c'est كلام الله سبحانه وتعالى. نستفيد من هذا une فائدة عظيمة أن celui qui n'a pas d'argument, celui qui n'a pas de preuve, celui qui n'a pas de hujja, qui n'a pas de burhan, pour rejeter la vérité, il cite des choses, même si ces choses elles sont fondées sur rien. فتأملون, ils ont prétendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il apprenait ce Coran عند أعجمي, un nom arabe ou une personne qui ne parle pas l'arabe, alors que eux-mêmes ils comprenaient la langue arabe. Eux-mêmes ils comprenaient la langue arabe, ils n'ont pas réussi à citer une sourate comme les sourates du Coran ou des versets. Ça nous montre que pour rejeter le haq, ils ont pris cet argument et au fond d'eux, ils savaient très bien que l'argument ne vaut rien. لكن هكذا أهل الشر والباطل بعضهم عيادا بالله ابتلوا, ils ont été éprouvés par la dureté du cœur et par l'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas guidés pour accepter la vérité. Et au lieu de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être modeste envers leurs frères et d'accepter la vérité, ils s'entêtent, عيادا بالله. Et pour rejeter la vérité, خاصة ceux qui ont des suiveurs. لأن قريش Quraysh, à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, ils ont tout fait pour écarter les gens du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Ils avaient peur que le Nabi sallallahu alayhi prenne le dessus. Et le Nabi sallallahu alayhi sallam, il a pris le dessus. Il est revenu, il a conquéri Mecca alayhi sallallahu alayhi sallam. Cette peur, et hubb al-dunya, cet amour de dunya, ça les a poussés. Ahada, ayyadam billah. Qala shaykh al-fawzan, hafidhahullah, ma yustafad min al-ayat, yustafad min hadhihi al-ayat al-karima. إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه كلامه جل وعلا لا كلام غيره من الملائكة أو البشر والرد على من زعم أنه كلام مخلوق نعم والرد على من زعم أنه كلام مخلوق وفي الآيات أيضا إثبات العلو لله سبحانه لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى والله أعلم دونك نستفيد من هذا توس فيرس أن القرآن سي لا بارول دالله سبحانه وتعالى وكذلك الله سبحانه وتعالى لا ريفيلي منزل من عنده أي سي الله كي لا في ديسمبر sur le prophète عليه الصلاة والسلام وكذلك سي لا بارول دالله سي با لا بارول دو بروفيت أو دان أنج أو دان هوم Et hakadan astafid min hadhihi al-ayat anna Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus. Tous les versets où qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé annahu il a fait descendre al-Qur'an ou autre, c'est des adillah qu'Allah il est au-dessus. S'il a fait descendre, c'est qu'il est au-dessus, subhanahu. Enfin, tous ces adillah, on peut les rajouter et on peut les prendre comme argument pour montrer annallah azza wa jal, il est au-dessus. Et on voulait lire kalam Cheikh Ibn Uthaymeen une faïda, laquelle on laisse pour le prochain dars, limada li annahu dhahab al-waqt. On peut citer pour conclure quand même al-faïda min al-nahi al-maslakiyya. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله اي après avoir cité tous ces versets à la fin du chapitre قال نستفيد اننا اذا علمنا ان هذا القران تكلم به رب العالمين اوجب لنا ذلك تعظيم هذا القران. C'est ce qu'on a cité dans le cours ولله الحمد. Si on a la conviction, on a la croyance ان ce Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé au prophète Mohammed alayhi salatu salam, on doit donner de l'importance à هذا القران. قال اوجب لنا ذلك تعظيم هذا القران واحترامه وكذلك on doit respecter هذا القران ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن تعظيم هذا القران والاحترام c'est de ne pas le laisser par terre et peut-être qu'un enfant il va l'écraser ou peut-être qu'un adulte il va passer et il va toucher ce coran avec ce pied. فمن تعظيم هذا الكتاب c'est que on le place toujours dans un endroit à l'abri. كذلك العلماء يذكرون أن من تعظيم هذا الكتاب c'est quand tu as plusieurs livres le Coran tu le mets au-dessus, tu le mets au-dessus, tu le mets pas en dessous et tu mets des livres au-dessus, des livres autres que le Coran. Les ulama ils citent tout ça et tous ces adab. L'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud rahmatullah alayhi, il a un livre qu'il a appelé Kitab al-Masahif, c'est un livre khas sur le Coran et il explique ce genre de comportement pour celui qui veut approfondir ce sujet. L'imam Abu Bakr, le fils de l'imam Abu Dawud, rahmatullah alayhi, sahib al-sunan. Qala, wa amtithal ma ja'a vihi min al-awamir. Et ça, c'est min al-ta'zim wa min al-ihtiram. Ce qu'on a cité, c'est certains comportements. Et hada, c'est plus important. Et c'est la base, de respecter et d'accomplir les ordres qui sont cités dans le Coran. قال وترك ما فيه من المنهيات والمحذورات. C'est pour ça que قبل قليل on a dit ان le fait de l'accrocher c'était pas مشروع. Le Coran n'a pas été révélé pour être accroché, pour embellir les maisons ou les masajid avec. Là, le Coran a été révélé pour qu'on le lise, pour qu'on l'applique. Et للاسف في بعض البيوت بعض الناس ils achètent des Coran, des beaux Coran dorés ou dans des coffres, etc. Et les posent chez eux et ça devient un décor. Bel Bardoum, ils l'achètent pour le décor. Ils n'ont même pas l'intention, ils n'ont même pas pensé de l'ouvrir et de lire et de se poser la question, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala qala kada? Ou c'est quoi al-murad? C'est quoi l'explication? Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset, fait, qu'est-ce que je dois faire, Anna? Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit zina, il nous a interdit riba, il nous a interdit beaucoup de choses dans le Coran. Il nous a interdit shirk qabla dhalik. C'est pour ça que tu trouves, Adam, ils ont un coffre avec un beau mushaf qui est doré, il a akhri. Et tu le trouves, peut-être qu'il va voir un sorcier. Tu le trouves, peut-être qu'il demande à autre qu'Allah. Enfin, pourquoi ce coffre et pourquoi cette dépense et pourquoi tout cela? L'imam Ali Al-Nahou, c'est devenu un objet pour décorer. Et عند البعض, wa illa falhamdulillah, كثير من المسلمين يحبون القرآن أي لوي دن الحق أي من حيث التلاوة والحفظ والعمل. فعن في attention à هذا السلفي ils accrochaient pas le Coran. الصحابة رضي الله عنهم ils décoraient pas avec le masjid avec le Coran ou chez eux ou des cadres. Il y avait pas cela à l'époque. لماذا لأنهم ils étaient occupés par quelque chose d'essentiel, c'était العمل به. Vu que nous on vit à une époque أن بعض الناس ils aiment le Coran et qu'annahum pour se rassurer, ils pensent que le fait de l'accrocher, d'acheter un coffre, de le mettre chez soi, il a akhiré, c'est une action qu'ils ont accomplie et alhamdulillah, ils ont donné du temps à ce Coran. C'est pas comme ça. Celui qui donne al-haq à ce Coran, min hayth tilawa wal hifz wal amal, il n'aura pas le temps de penser à cela. Et même s'il y pense, c'est pas permis. Les Sahaba, ils l'ont jamais fait. On ne le fait pas. Ça serait une bonne action. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait, il nous l'aurait montré. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. نعم. ثم قال وتصديق ما جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مخلوقاته السابقة واللاحقة. كذلك التصديق. On doit croire, rendre véridique toutes les informations qu'il y a dans le Coran, que ce soit les informations passées ou du futur. Donc, on a plusieurs choses. On a at-ta'zim wa l'ihtiram, avoir un comportement avec le Coran. كذلك من التعظيم سي كون اون ايكوت القران مثلا à notre époque avec des audios ou quand quelqu'un récite on doit se taire قال عز وجل وانصتوا لعلكم ترحمون انصتوا اي on doit se taire ça c'est من التعظيم اما احيانا on est في غفله on met un audio une récitation du Coran et on parle que ce soit dans une voiture que ce soit à la maison ça c'est pas من تعظيم كلام الله. لماذا؟ لأن سي كلام الله كون إيكوت. إي كونت الله سبحانه وتعالى، أون إيكوت سون كلام، أون دوا سو تير. سي توا، تو دوا بارلي، توا كيلكو شوز أفير، إيتان. إيتان كونت توا غا لو تان. أما القرآن سا دوفيان أن فون، إي أون لو دون با دامبورتونس، سا سي با من تعظيم القرآن. نعم، دونك التعظيم، أي ريسبكتي سو قرآن، ثم لو ميتر أون أبليكاسيون، أبليكي لي زورد، سيكارتي دي زانتيردي، إي كخواغ أون توت لي زانفورماسيون كو سو قرآن. Il renferme. N'as-t-il Allah subhanahu wa ta'ala tathabat. Et demain, inshallah ta'ala, on continue l'étude de ce livre et on passe à notre deuxième dors. Walhamdulillah. Demain, on essaiera d'ajouter des points qu'on n'a pas cités aujourd'hui par rapport à cette sifa, al-sifat al-kalam, inshallah.